Le limiteur de vitesse permet de brider le véhicule à une vitesse choisie. En cas d'urgence, pour débloquer la vitesse sélectionnée, il faut appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur. Le régulateur fixe une vitesse de croisière, quelle que soit la configuration des lieux. Il gère les côtes et les descentes à une vitesse stabilisée. On n'a qu'à tenir le volant. Le pied est libre. C'est un réel avantage pour les longs trajets autoroutiers. Attention, l'autoroute est propice à l'engourdissement et à l'endormissement. Et le fait de ne plus toucher à rien n'arrange pas les choses. Pour maintenir la vigilance, il peut être utile de reprendre la main avec les pieds. Réponse B et C.